L'islamisme, d'après le Coran par Monsieur Garcin de Tassy. Chapitre 10. De la création et de la chute de l'homme. Dieu dit aux anges, j'enverrai mon représentant sur la terre. Enverrez-vous, répondirent les esprits célestes, un être qui se livrera à l'iniquité et versera le sang, tandis que nous célébrons vos louanges et que nous vous glorifions. 2, 28. L'Éternel forma l'homme du noir limon de la terre, 15, 26. Il le commença debout, il accomplit son ouvrage en lui soufflant une partie de son esprit. Il vous a donné l'ouïe, la vue et une âme sensible, combien peu d'hommes reconnaissent ses bienfaits. 32, 6 à 8. Il vous a créé d'un seul homme, il tira la femme de ses flancs pour être sa compagne, 42, 8. Il vous fait multiplier par le mariage, 42, 9. Nous dîmes à Adam, habite le paradis avec ton épouse, nourris-toi des fruits qui y croissent, étends tes désirs de toutes parts, mais ne t'approche pas de cet arbre, de peur que tu deviennes coupable. 2, 33. Le diable les rendit prévaricateurs, et leur fit perdre l'état où ils vivaient. 2, 34. Il leur dit, Dieu vous a défendu de goûter du fruit de cet arbre, de peur que vous ne deveniez deux anges et que vous ne soyez immortels. Il leur assura avec serment que c'était la vérité, et qu'il était un conseiller fidèle. Trompés par cette ruse, ils mangèrent du fruit défendu. Aussitôt ils virent leur nudité, ils se couvrirent avec des feuilles. Ne vous avais-je pas interdit l'approche de cet arbre ? Leur dit le Seigneur. Ne vous avais-je pas averti que Satan était votre ennemi ? Seigneur, nous sommes coupables. Et si ta miséricorde n'éclate en notre faveur, notre perte est certaine. Quittez ce séjour, leur dit Dieu, vous avez été ennemis l'un de l'autre. La terre sera votre habitation jusqu'au temps. Vous y vivrez, vous y mourrez, et vous en sortirez ensuite. 7, 19 à 34. Un jour je vous enverrai un guide, celui qui le suivra ne s'égarera point, et le malheur ne sera point son partage. 20, 122. Sortez du paradis, terrestre, je vous enseignerai la voie du salut, celui qui la suivra sera à l'abri de la crainte et de la douleur. 2, 36. Ainsi le premier homme fut désobéissant et prévaricateur. Dans la suite Dieu reçut sa pénitence, il eut compassion de lui, et il l'éclaira. 20, 121. Le Seigneur apprit à Adam la manière d'implorer son pardon, il écouta la voix de son repentir, parce qu'il est indulgent et miséricordieux. 2, 35. Chapitre 11. De la justification par la foi. Ceux qui croient, et qui ne revêtent point leur foi du manteau de l'erreur, possèdent la paix. Ils marchent dans la voie du salut. 6, 83. Cette vie n'est qu'un jeu frivole. Mais la foi et la crainte du Seigneur auront leur récompense. 47, 37. Vous aurez le mérite du bien que vous ferez, mais vous ne devez le faire qu'en vue de Dieu. 2, 273. Vos trésors et vos enfants ne vous approchent pas de l'Éternel, ils ne récompensent que la foi et les bonnes œuvres. 34, 36. Ne savez-vous pas à quoi Dieu compare la parole de la foi ? À un arbre salutaire qui a poussé des racines profondes, et dont les rameaux s'élèvent dans les cieux. Il produit du fruit dans toutes les saisons, 14, 30, 31. Les hommes pensent-ils qu'il suffit de dire, nous croyons, sans donner des preuves de leur foi, 29, 1. Il ne suffit pas, pour être justifié, de tourner son visage vers l'Orient ou l'Occident, il faut encore croire en Dieu, au jour dernier, aux anges, au Coran, aux prophètes, il faut, pour l'amour de Dieu, secourir ses proches, les orphelins, les pauvres, les voyageurs, les captifs et ceux qui demandent. Il faut faire la prière, garder sa promesse, supporter patiemment l'adversité et les maux de la guerre, tels sont les devoirs des vrais croyants. 2, 172. Dieu vous connaît parfaitement. Ne vous justifiez donc point vous-même. Il sait ceux qui ont sa crainte. 53, 52. Dieu lit au fond de vos cœurs. Il sait si vous êtes juste. Il pardonnera à ceux qui reviendront à lui. 18, 26, 27. Il justifie qui lui plaît. 4, 52. Ignores-tu que Dieu punit et pardonne à son gré, parce que sa puissance est sans borne ? 5, 45. Ceux que Dieu éclaire marchent dans la voie du salut. 7, 177. Mets ta confiance en Dieu, sa protection est un bouclier puissant. 33, 3. La protection du ciel est assurée aux croyants, mais les impies n'ont point de protecteur. 47, 12. Dieu affermira les croyants, dans cette vie et dans l'autre, par sa parole immuable. 14, 33. Il versera ses grâces sur les croyants qui s'attacheront fermement à lui. Il les conduira dans le chemin du salut. 4, 174. Dieu accordera un mérite à vos actions, et expiera vos fautes. 33, 71. Le croyant vertueux n'aura point à craindre un sort injuste et rigoureux. 20, 3. Ceux qui croiront et qui feront le bien seront en possession du bonheur éternel. 95, 6. Dieu promet sa miséricorde et une récompense éclatante à ceux qui joindront à la foi le mérite des bonnes œuvres. 5, 12. Ils seront introduits dans les jardins, séjour d'éternel délice. 4, 60. Les musulmans, les juifs, les païens et les chrétiens qui croiront en Dieu et au jour dernier, et qui auront pratiqué la vertu, seront exemptes de la crainte et des tourments. 5, 74. Tous ceux qui réuniront la foi et la bienfaisance en recevront le prix. Ils seront comblés des faveurs du ciel. 4, 172, 173. Nous ne laissons point périr le prix dû à la vertu. La récompense de l'autre vie, bien plus magnifique, sera le partage de ceux qui ont la foi et la crainte du Seigneur. 12, 56, 57. Les croyants que la parole de Dieu pénètre de crainte, qui sentent augmenter leur foi au récit de ses merveilles, qui mettent en lui leur unique confiance, qui font la prière, et verse dans le sein de l'indigent une portion des biens que nous leur avons dispensés, sont les vrais fidèles. Ils occuperont des degrés sublimes dans le royaume céleste. Ils jouiront de l'indulgence et des bienfaits de Dieu. 8, 2 à 4. Si vous mourrez, ou si vous êtes tué en défendant la foi, songez que la miséricorde divine vaut mieux que les richesses que vous auriez amassées. 3, 150. Ceux qui, après être tombés par l'ignorance, se convertiront et pratiqueront la vertu et prouveront la miséricorde divine, 16, 120. Il n'y a que les infidèles qui en désespèrent, 13, 8. J'écouterai ceux qui m'adresseront leurs vœux, mais qu'ils ne soient point sourds à ma voix, qu'ils croient en moi, afin que ma grâce les éclaire, 2, 182. Ô mes serviteurs, qui avez péché, ne désespérez point de la bonté divine, elle peut pardonner tous les crimes. Le Seigneur est indulgent et miséricordieux. Revenez à lui avant que vous éprouviez la punition après laquelle il n'y a plus d'espoir, 34, 54, 55. Ceux qui, touchés de repentir, retourneront à la vertu, auront lieu d'espérer la miséricorde divine, 24, 5. Ceux qui, après avoir marché dans le sentier du vice et de l'erreur, se rappellent le souvenir du Seigneur, implorent le pardon de leurs crimes, quel autre que Dieu a le droit de pardonner? Et abandonnent l'iniquité après l'avoir connue, et prouveront la clémence du Seigneur, 3, 128, 129. Au lieu des maux qu'il attendait, le pécheur converti qui croira, qui pratiquera la vertu, jouira de la félicité, parce que Dieu est clément et miséricordieux. Pénétré d'un vrai repentir, il fera le bien, et sa conversion sera sincère, 25, 70, 71. Je pardonnerai à ceux qui joindront au repentir la foi et les bonnes œuvres. Ils marcheront dans la voie du salut, 20, 84. Dieu reçoit la pénitence de ses serviteurs. Il pardonne leurs offenses et connaît leurs œuvres. Il exauce les croyants qui font le bien. Il les comble de ses faveurs, 42, 24, 25. Markem d'Anarchivorg 2021 d'après Gallica BNFFR licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.